Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Ah non, mais moi j'étais peinard, moi. J'étais avec Jacques Laline. Merci pour l'écho, mon Gilbert. Gilbert l'écho. Alors j'étais avec Jacques Laline, comme je vous le disais tout à l'heure. Mais on vient juste de commencer. Et comme je viens de vous le dire. Quand tout à coup, un chat plein de poux. Pas encore les chats. Oh oui, moi c'est un... C'est un cauchemar pour moi, les chats. Bon, qu'est-ce qui s'est passé? Ben oui, Jacques Laline m'arrive avec un petit chat. Tu veux dire un chaton? Un chaton. Hey, en parlant de chaton, on est dans les animaux, oui. Jacques Laline? Oui, elle aussi. Et moi? Ben, nous sommes des animaux. Vous, beaucoup plus que moi. Pourquoi? Pour deux raisons. Lesquelles? Parce que vous, c'est vous, et moi, c'est moi. Oh! Oui, c'est extrêmement précis. Oui, merci. La précision vient en parlant. Oh! Et la digestion? La digestion vient en mangeant. Ah! Si on mange pas... On digère pas. Excellent! Est-ce que c'est acceptable de l'écho? Ben écoute, quand on a un budget pour ça... Oui, mais celui-là... Oui, mais ça, c'est un retour, puis les gens n'aiment pas ça. Ils s'imaginent que... Je suis coincé dans la radio. Ben, c'est vrai aussi. Ouais, j'ai toujours été coincé dans la radio, moi. Je me rentre la tête là-dedans, puis j'essaye de voir tous les filages, puis toutes les ondes à travers toute la... l'étrange structure radiophonique. Et puis, oh mon Dieu, il y a des fils. Oui, il y a des ondes. Oui. Un animateur qui est coincé dans le micro. Ah, son, là, oui, c'est vrai, on l'a déjà entendu. Ouais, il y a longtemps. Je sais pas si les gens se rappellent. Ah, il n'y a pas d'auditeur fidèle. Ben voyons, dis pas ça. Même, on va le dire autrement, là, mais les auditeurs en général, oui. Ça commence très bien. Non, mais c'est pas comme la chanson des Rita Les Couteaux. Comment? Rita Les Couteaux. Ah, les Rita Les Couteaux. Et ça, c'est un tranchant incroyable dans la musique francophone. Ah ben oui, hein, c'est comme ça, c'est coupé au couteau, ça, hein, oui. C'est pour ça qu'il s'appelle les Rita au couteau. Non, les Ritas et les couteaux. Les Ritas et les couteaux, oui. Ça fait que... Enlève ça ici, merci. Ma belle adorée. Oh mon Dieu, une autre. Non, c'est la même. OK, parce que... Oui, moi, je suis Bibi. Bibi et Geneviève. Oh, mes gammes. OK. Tu aimes faire tes gammes? Non. Là, le personne... Oui, parce que tu t'es trompé de micro, là. Ça, c'est l'avant-plan. C'est lui qui raconte, qui relate. Et toi? Ben non, c'est toi. Moi? Oui, OK. Ben moi, je ne suis qu'un lanceur de phrases. Ah, oh, ça, j'aime ça, des lanceurs de phrases. Il y a des lanceurs de flammes et des lanceurs de phrases. Oui. Et là, moi, j'ai la phrase passablement enflammée. Oh! Alors, ça promet comme émission? Ah, ben oui. Je vous dis que si on se maintient... Et ça sera pas le cas. Ah, non, ça n'a jamais été le cas. Puisque Jacqueline m'est arrivé avec des chats. Ah oui! Un chat. Comment ça, vous avez dit des chats? Ben oui, mais là, je me suis emporté par le pluriel des choses. Oh! Et la singularité, elle? Ben, la singularité, très souvent, pour moi, c'est singulier. Oh! Quand même étrange. Ah ben là, c'est... Non, on dit... comment vous dites, madame... c'était écrit dans le journal. Non, c'est pas dans le journal, c'est dans le prion à l'église. Prion à l'église. Ben, il y en a plus. Quoi, d'église? Non, le prion à l'église. Ah, si, vrai, non? Je connaissais, moi, un individu louche qui... Hey, il est sans doute décédé, je le vois plus. Il est peut-être... non, il est dans une pension ou changement. Mais, non, ça vient de me rappeler des beaux souvenirs, moi. Quand ça m'arrive à la vergeture du cheveu, moi, là, puis avant d'entrer dans la racine, parce que c'est là que le choc se fait avec la matière grise, qui est, la mienne n'est plus tout à fait grise, quoi. Elle est moisie. Elle est moisie, toi aussi. Toi, moi aussi, elle est moisie. C'est une courtoisie de monsieur Moisie FM. Moisie FM, hein, monsieur, quoi. C'est la structure la plus molle au monde. Oh! Alors, c'est quoi l'histoire de ton chat? Ben oui. Là, les gens ont perdu la route. Ah ben non, ils vont... Ça, c'est comme le livre par excellence de la Big... La Big. Oh, il y en a de la Big. Ah, mon Dieu. Anciennement, là, Rita, là, c'était la Big. Oh! La Big Generation de sa Generation. OK. Et puis, oui, la Big Generation. OK. Jack Kerouac. Ah, oh, mon Dieu. Enerenalogen. Oui, Enerenalogen. Ah, ça, c'est un livre qui a eu un grand succès. Ben là, possiblement petit, puisque ça s'est réédité récemment avec la version intégrale de monsieur, comment il s'appelle? Ben, j'ai dit Kerouac. C'est pas si j'ai dit Kerouac. Non, c'est Jack. Oh! Rien à voir avec Jack l'Éventreur. Non, monsieur. Avec Jackie Rousseau. Non plus. Avec Jack Layton. Non, monsieur. Avec Jack Nicholson. Non plus. Avec Jack Moi la voiture. Oh! Eh ben oui, Jack Moi. Ben, ils ont eu une relation assez intimiste ensemble. Avec Jack la voiture et Jack Kerouac. Ben oui. Parce que comme Jack Kerouac, là, il revient avec ton chat. Toi, là, ouais, ouais, on laissera pas ma sublime épouse le tient dans ses bras. Bon, OK. Jack Kerouac était souvent avec Jack la voiture. Oh! Parce qu'ensemble, hein, ils se côtoyaient, ça se discutait. Vous savez comment c'est dans ce milieu-là, là, les écrivains, puis les créateurs, les gens qui aiment faire des choses exceptionnelles et surtout extravagantes. Oh, ben là, on en connaît. Donc, fallait que Jack Kerouac se trouve un copain, comment dire, un Pygmalion. Oh, on va le piquer. Et merci de... Oh oui, moi je répète. Oh, c'est toujours bon de répéter. Oh, plus on répète, plus on ne dit plus la même chose. Oh, OK. Alors, Jack Kerouac, oui. Puis Jack la voiture, oui. Ils se sont adonnés à se rencontrer dans un petit restaurant qu'on appelait à l'époque Snack Bar. Oh! Et dans ce Snack Bar-là, Jack Kerouac est en train de griffonner l'histoire de sa vie. Là. Ah, je parcours des routes pas si enchantées, puisqu'à trop chanter, je chante faux. Et lorsque je chante faux, je ressemble à l'audition d'un crapaud. Oh! Il me semble que c'est pas Jack Kerouac. Ouais, mais ça, c'est avant qu'il ait pris son café. Oh! Et puis après son café, ah, c'était mémorable. C'était des grandes percussions sonores, des grandes variations sur la structure langagière. Oh, mon Dieu! Et plus il amenait un sens à son histoire, oui. Moi, le public embarquait. Oh, parce que le public débarquait. Ah, souvent. Il roulait à 150 000 à l'heure. Le public débarquait.

C'est pas la même chose. Et là, ça devient vraiment intéressant. OK. Là, alors, Let's Dance, c'est pour toi un album comme parmi tant d'autres, pas important. Non, mais ça a été une espèce de porte d'entrée. C'est la clé qui m'a permis d'entrer dans un autre monde. Dangereux, ça, lire du Jack Kerouac quand vous n'êtes pas initié. Mademoiselle, initiez-vous, attachez-vous et soyez préparés à entendre quelque chose d'assez halluciné. Oh! Il est en train de prendre son café, puis là, il écrivait, « Ah, comme à la neige, hein, n'est-ce pas Jack Kerouac, ça, c'est Mulligan? » Ah, oh, c'est vrai. Mais il écrivait, et Jack la voiture, lui, il était à côté de lui, puis là, il dit, « Hey, qu'est-ce que tu fais? Fais-tu du dessin? » Et là, Jack Kerouac, là, sentait la l'adrénaline sonner dans son cervelet. Puis là, il s'est dit, qu'est-ce que c'est ça, cette chose-là? Parce que c'était un être quand même assez étrange et obscur, puisqu'il faisait noir. C'était un matin noir, nuageux, presque sous l'influence de la pluie. Entre la pluie et la neige, hein, il faisait moins 3, moins 4, alors on savait pas si... Mais il ventait... Ouais, on s'y croirait. Hein? Ouais, j'ai eu froid, moi. C'est hanté. Ah, c'est un venté. Jack Kerouac, à un moment donné, le regarde. Il dit, « Mets-le. And the road again. And the road again. And the road again. And my Englishman. Oh, Englishman. Me francophone. Oh, Jack francophone. Ah, oh, me. Ah, comment saviez-vous? Non, c'est lui. Comment tu savais que je m'appelais Jack la voiture? Écrit sur parapet de votre trapette. Répète, vous avez un chandail? Oui. Le chandail est indiqué de Suze. Oh, mais il est usé, oui. Alors, vous avez pu lire. Je lis francophone, mais je parle pas francophone. Oh. Dans ma tête. Eh, monsieur, on peut-tu passer à la musique? Dans ma tête. Oui. Je peux voir le nom, mais dans ma bouche, ça l'est ventré. Oh. Ça sort pas. Oh. Ça sort à plein lac. Oh. Non, on n'aime pas ça. Non, c'est vrai, on n'aime pas ça. Mais, après quelques cours, vous donnerez à moi. Oh. Peut-être sortir francophone de ma bouche. Oh. Peut-être, mais vous, vous êtes Jack la voiture ou Jack the car? Jack the car. Mais moi, je vais vous appeler Jack la voiture. OK, Jack la voiture, Jack the car. Ça fait... Hey, Jack the car, moi qui roule and roll again sur les États-Unis. Tu roules sur les États, oui, dans tous mes États. Puis, quelquefois, ma voiture fait des chiennes. Oh, et des chats? Ben non, le chat, c'est Jacqueline qui l'a. Oh, mon Dieu! Mais... C'est là que ça se passe, là. Sentez-vous, là? Ah, le lien! Alors, si vous voulez embarquer avec moi puis faire toute la route de ma vie, oh, et vous serez dans mes livres à la dernière page, Jack de voiture, Jack de car, puis si les gens savent bien lire, c'est juste en bas de imprimé en 1900, exemple 72, Jack Kerouac, hein? Jack Kerouac, en bas, tout petit, là. Jack de car, Jack de voiture. Ben, peut vous aider à faire ça? Oui, moi, je vais apprendre le français parce que là... Oui, monsieur, il n'y a pas de problème. Alors, donc, il a dit oui. Alors, pour revenir au chat de Jacqueline, elle m'arrive avec un petit minou. Rouin, c'est merveilleux. Mais là, j'en ai parlé souvent des chats, puis... Mais là... Elle me dit, ouais, mais c'est pas normal de laisser ça, de laisser une petite bête comme ce chaton dans les ruelles de Limoilou. C'est où, ça, Limoilou? Ben, c'est à Québec, dans la banlieue de Québec. OK. La plus banlieue de la ville de Québec, oui, c'est Limoilou. Il n'y a pas plus de banlieue que ça. Oh, alors il y a des banlieusards. Non, il y a des amis, OK. Tu voulais rimer avec art, oui. Il y a des artistes. Il y a des accessoires à deux pattes. Et il y a des âmes heureuses de vivre. Oh! À Limoilou. Donc, j'ai vu ça, ce petit chat-là, là, il faisait... Et mon Dieu, c'est pas un chat, ça, c'est une ligne qui fonctionne pas. Non, c'est un petit chaton, il a même pas un mois et demi. Oh, il est noir. Ben oui, ça porte malheur. Puis moi, je suis allergique au chat. Ben là... Puis, on peut-tu le garder? Ben, Jacqueline, là, je vais t'expliquer une chose. Ah, deux choses. OK, deux choses. Première chose, oui, on peut pas le garder. Ah, oh, non. Deuxième chose, oui, on peut le garder. Ah, on peut le garder un mois et demi. On va l'engraisser, puis après ça, on va le mettre à mijoter. C'est bon, du chat. Mais comme c'est noir, là, un petit chat noir, il faut... Le c'est plus coriace, la viande de chat noir. Ah, man, c'est vrai, ça? Ah, ben oui, avec des petits oignons, ça va fondre dans la bouche. Ouais, mais ouais, si le... Comment t'appelles ça? Le maître, oui... Le réclame, ben on va lui lancer, puis garde-le ton chat. Mais non, on peut pas lancer ça, c'est un petit minou. Ouais, c'est vrai. Tu lui donneras. OK. Ben alors, qu'est-ce qu'on fait avec le chat? Ben là, c'est toi, mon cher ami. Ah, ben là, on va... on va y penser pendant toute l'émission. Oh, ben c'est tellement gentil. Ben j'ai pas dit oui, là. Ah, oh, OK, merci. Monsieur le Président. Oh! Monsieur les patrons catholiques, Mesdames les voluptés, et vous, chers résidents et résidentes impudiques, bienvenue à l'émission de variété indépendante francophone, je l'ai dit, Errance Rinaldienne. Je sais pas pourquoi j'ai une petite tendance à dire... T'as toujours une petite tendance à dire, oui, c'est vrai. Merci. Bienvenue à la douce rénalité, à l'histoire finement improvisée avec moi-même, à Errance Rinaldienne. Il y a un texte ici, d'un grand dramaturge. Oh! Ah, il est tellement grand. Oh! Ben, est-ce qu'on peut laisser... Non, on peut pas laisser. Qu'est-ce qu'on va faire? Ben, on va l'abandonner. Oh! Comme Jack Kerouac devant Jack la voiture? Oui. Sans pitié! On les laisse... Il me fait une dépression. Non, non. Tout à coup, il veut plus rien faire. Non, non, mais écoutez... Dis-le au Dr. Flicker. C'est venu après une lecture. Hey. Dr. Flicker. Là, la madame ici, là, qui se veut ma ménagère heureuse, là, fait une fixation sur mon état mental, là. Est-ce que vous pouvez lui dire, madame, recommande... Il me fait une dépression. Non, premièrement, c'est pas une dépression. C'est un arrêt de conscience. Quand je te vois, parce que je me dis, comment ça, c'est comme ça, là? Comment ça, tu bouges pas? Comment ça, tu restes aussi stagnante? Tout à coup, il veut plus rien faire. Moi, je fais tout pour toi. C'est toi qui ne fais rien pour moi. Je suis... Dis-le au Dr. Flicker. Dr. Flicker. C'est pas Flipper. Non, c'est Flicker. Flicker. Dans Flicker, il y a flic, flic,

choose life, choose a job, choose a career, choose a family, choose a fucking big television, choose washing machines, cars, compact displays and electrical tin openers, choose leisure wear and matching luggage, choose a three-piece suite on hire purchasing a range of fucking fabrics, choose DIY and wondering who the fuck you are on a Sunday morning, choose sitting on that couch watching mind-numbing, spirit-crushing game shows, stuffing fucking junk food into your mouth, choose rotting away at the end of it all, pissing your last in a miserable home, nothing more than an embarrassment to the selfish, fucked-up brats that you've spawned to replace yourselves. Choose your future. Choose life. I chose not to choose life. I chose something else. Future. choose life. Vermouth. Vermouthstock. Ça, madame Vermouthstock. Pas madame, mademoiselle. Non, monsieur. Oh. C'est vrai que la madame avait une petite moustache. Non, monsieur. Oui, monsieur. Excusez-moi, monsieur. Oui. Alors, Vermouthstock. Oui, Vermouthstock, là, c'est vous continuez à droite. Oui. Vous continuez à droite. Oui. Et vous continuez à droite. Merci. Oui. La prison du quotidien. Ça, c'est un texte d'un grand... Matassa, nos voleurs. Nos voleurs sont ici présents, en ce beau vendredi, réunis pour la première thérapie des voleurs. Ces deux voleurs qui nous en manquent un, le principal, c'est-à-dire le voleur de Boston. Non, c'est de Détroit. De Détroit. De Dering. De Dering. Ah, il a, ouais, son cerveau a malheureusement dérigné. Désaligné devant un chemin qui nous l'amenait dans un camion? Un camion. Enchaîné. Non, c'est pas le camion qui est enchaîné, c'était le voleur de Détroit. Oh! On avait placé comme un orignal le voleur de Détroit sur le capot du camion de la police. Puis là, comme on n'avait pas de place pour placer le gyrophare, c'est quoi ça, un gyrophare? C'est un chapeau lumineux. OK! Qu'on place sur les voitures de police. Oh! Mais là, on avait comme remplacé cette extravagance lumineuse par le voleur de Détroit. Oh mon Dieu! Et donc, simplement, on a déplacé cette lumière intense pour lui mettre sur la tête. Oh oui. Mais là, c'était bien beau, là, mais il bougeait, donc la lumière bougeait. Puis là, les gens là, qui étaient en arrière de ce camion-là zigzaguaient. Oh, à Détroit? Non, mais ils s'en allaient vers Québec. Oh. De Détroit à Québec, c'est loin. Hein? Mais t'as-tu Gagolnat? Gagolnat. Moi, j'ai du Bubble Bat. Oh! Du bubble bath. Oui, monsieur. Hey, ça fait du bien dans une piscine. Oui, non, pas, c'est mieux un bain. Non, mais ça fait des bulles. Moi, je me souviens que Georgette avait plongé dans une piscine de bubble bath. Oh! Là, elle était montée parce qu'elle était enfermée dans une bulle. Ben, voyons donc. Ben, hey, elle est montée jusqu'en haut. En haut. En haut de la piscine. Ben oui, mais là, a-t-elle franchi l'eau? A-t-elle franchi l'eau? Ben oui, la bulle a-t-elle franchi l'eau? Ben là, c'est parce que c'était mon épouse, oui. Penses-tu que mon épouse, dans une bulle, peut franchir l'eau? Ben, c'est pas mon épouse. Regarde-la. Ouais. Et puis? Crois-tu qu'elle peut? Elle peut. Oui, elle peut, effectivement. Donc, non, elle n'a pas franchi l'eau. La clivaison de l'eau. Clivaison. Ben oui, ça veut dire le niveau de l'eau entre la bulle, hein, et ma charmante épouse que j'adore tant. Mais par contre, elle m'a dit qu'elle voyait, parce qu'elle était couchée, elle faisait la planche. Oh mon Dieu! Oui, la planche. Elle aime bien ça faire la planche. Jour et nuit, elle fait la planche. Puis c'est qui? Ah ben c'est moi je suis un surfeur. OK. Alors je surfe. Oh! Pendant toute ma vie, j'ai surfé. Ça fait combien d'années? Ça fait 6 ans que je surfe. Oh! Là, je crois pas que je vais surfer jusqu'à la fin de mes jours. J'ai même joué une fois d'eau à 75 ans, surfer le... Oh, monsieur! Je vais manquer la vague. Oh. Je viens sur la vague et je dis vague. Alors, le poète, la prison, ben là, les gens sauront pas l'histoire du Détroit de... Non, c'est peu importe. Ils en savent assez comme ça pour raconter à leurs enfants et à leurs fiancés et leurs camarades. Ont-ils des camarades? Ben voyons, c'est juste toi qui en as pas. Mais moi, j'en veux pas. Comment ça? C'est du trouble. Ah, ben, t'es obligé d'appeler ça une fois par jour, une fois par semaine, une fois par mois. Ça va bien faire ensemble. Ah, moi, ça va bien. Ça va pas bien. Ça n'a jamais été bien. La société va-t-elle bien? Ah, ben là, ça dépend dans quel district que tu te trouves. Ben moi, je me trouve entre la méridionale sud et l'octogonale nord. Oh! Mais moi, j'aime bien le nord. Pourquoi? Parce qu'on le perd. On le perd. Ben, on le perd. On le perd. Alors, la prison, ça, c'est un texte d'un hurluberluse. Qui, lui, a répondu? Non, il n'a jamais répondu. On l'a pas appelé encore. Je crois pas qu'on va l'appeler parce qu'on n'a pas... On n'a pas de téléphone. Ils nous ont coupé le téléphone. Ils nous l'ont coupé la semaine dernière. On m'a dit des gens, des vilaines de bouche, ont osé m'attaquer là-dessus. Comment ça? Ils m'ont dit que j'appelais régulièrement au téléphone. Oui. Que je payais pas mon compte téléphonique. Oh. Alors, la prison du quotidien. Ça, c'est qui, ça? Mais c'est un grand poète. OK. On va le laisser aller. Laissez-le. Laissez-le encore narrer, narrer, narrer, narrer. Laissez-le encore chanter, chanter, chanter. La prison du quotidien se dresse souvent sur un stress permanent. Hey, c'est la vérité, ça. À quoi bon faire cette émission si on ne se rend pas ridicule, librement inspiré d'une citation de Virginia Woolf? L'absurde. L'absurde aventure de l'errance rénaldienne s'ouvre à l'instant. J'ai dégonflé un peu. Nous marcherons ensemble. Les gens l'ont pas vu. Ben voyons. Ils l'ont pas vu. Ils l'ont vu sur Internet. Ils l'ont pas entendu à la radio, mais ils l'ont vu sur Internet. Oh, tu dégonfles facilement. Ah, oh, moi, là. Je suis comme mon ancienne poupée gonflable. Comment ça, ancienne? Parce que je l'ai perdue. Oh, pas l'histoire de la... Ben oui, elle était à l'hélium. Nous marcherons ensemble. Nous défricherons les chemins narratifs. Et voici le pit. On devrait avoir des rires en canne. Comment ça? Ben, parce que en pot, ça dure pas longtemps. Tu l'ouvres, ça... Ah! Mais en canne... Ouais. Puis en pot, ça fait quoi, ça? Ah! Ouais, mais moi, je préfère en canne. Ben, c'est ça que je t'ai dit. En canne, ça résonne plus longtemps. C'est grâce à quoi? Ben, grâce à la canne. Une canne, c'est creux. Hey, toi, t'es creux. Moi, je suis creux, comme une canne. Une canne à deux pattes. Ah, oh, mon Dieu, ça, c'est... Ce qu'il faut, c'est en profiter tout son sou oui. Pendant qu'on est là. Oui. On est là où? On sait même pas où on est. On est où? Ce qu'il faut, c'est en profiter tout son sou oui. Pendant qu'on est là. OK. On est là. Je sais pas où on est, mais on est là. L'absurde aventure de l'errance rénaldienne s'ouvre à l'instant. Nous marcherons ensemble, nous défricherons les chemins narratifs et voici le pitre qui change les chapitres diégétiques. Votre itinérant langagier, Rénal de Gagne. On laisse-tu encore aller, lui? Ben, il est tellement intense. Oui, c'est vrai, on va le suivre. Ce qu'il faut, c'est en profiter tout son sou pendant qu'on est là. C'est vrai. Oui, je jouais dans un film de Woody Allen, Annie Hall. Annie Hall. C'est quoi ça? Ben, c'est toute la... Cette semaine et la semaine prochaine, la trame qui nous coupera, c'est Annie Hall. Oh! Il va nous garder dans le hall. Oui, Woody Allen adore surtout les comédiens. Les comédiens, pas trop, mais les comédiens, ils s'approchent là, avec ses grandes lunettes. Ils disent, baby, good, and repeat after me. Là, elle répète après lui, là. I love you. Là, la lecture, ça dit, ben voyons donc, Woody, maudit. Je peux pas dire ça. Il dit pas maudit, là. Woody Allen prend son accent québécois parce que Allen n'est pas américain, là. Il n'est pas de New York, là. Manhattan, c'est une grosse blague, là. C'est un Québécois de Québec. Là, quand il se sent monter l'adrénaline, il prend son accent québécois, parce que c'est un bel accent. Beaucoup, c'est le plus bel accent francophone au monde. Là, il a été chaud au vin. Non, je suis chaud. Chaud de la bretelle. OK, la bretelle me plisse. Oh, eh bien ça, c'est pas une bonne idée. Non, c'est lorsqu'elle se rétracte. Pio dans le yach. J'ai trois yeux de joie pété. Oh. Même celui du milieu, comment tu l'appelles? Le cyclope? Non, l'œil du cyclope. Oh, mon Dieu. J'ai dit à mon cyclope, hein, mets-moi un verre là-dessus. Puis là, qu'est-ce qu'il a dit? Ben, il y en a plus, ils sont déjà pleins. Ce qu'il faut, c'est oui. En profiter tout son sou pendant qu'on est là. On est là. On est là, hein? On est là, hein? Il rentre dans... Surtout quand mes dents touchent le micro, là, puis la prothèse veut tomber. la seule émission où l'animateur se veut sous la supervision du docteur Mabuse. Aujourd'hui, le vendredi 23 septembre 2011, les errances rénaldiennes présentent plusieurs routes pour nous et entre nous. Laissons sur la chaussée les valises trop lourdes, ça c'est doublé en France, là. Doublé au Québec, ce serait... Bien sûr, en France, c'est... Alors, laissons sur la chaussée les valises trop lourdes, les problèmes liés au boulot et au ciboulot. Confions la boussole aux gestionnaires de nos entreprises en manque de direction. Oublions les embarras familiaux, l'école, bref, apaisons la dure réalité qui attaque notre quotidien. Et pour nous envelopper dans une atmosphère narrative, tu vas trop vite. Non, jamais trop vite. Unissons-nous autour de l'artiste multi... Excuse-moi, Isabelle. Je pense que je voulais faire au début. Je voulais l'amener comme sur la sellette avec l'éclairage adéquat pour montrer ses beaux cheveux noirs, son beau visage clair et ses yeux brillants d'intelligence. C'est pas ça. Là, je me suis effondré comme une vieille patate pilée. Ah, très pilée. Même empilée. Sur quoi? Sur autant de débilité mentale. Alors donc, je reprends. Ah oui, monsieur. Et pour nous envelopper dans une atmosphère narrative, unissons-nous autour de l'artiste multidisciplinaire Isabelle Shelley. Oh! Emmène-moi pour un soir, chérie. Eh ouais, là, la castagnette. Chérie. Il s'est emporté. Il fait n'importe quoi avec la castagnette. Suis bas la mesure. La mesure, là, OK. Chérie. Il est violent, lui, là. La mesure. Elle ne mesure que 2 centimètres. Ben là, quand je vais t'avoir épaté le visage, il ne restera plus qu'un petit poids. Oh, chez... C'est violent, hein? Chez Isabelle, excuse-moi. Chez... Parce que c'est pas... Elle n'est qu'un petit ange tombé de son nuage avec Marion. Elles étaient... Elles, il faut que je vous raconte. Elles étaient au ciel sur un nuage avec deux orifices. Qui ça, les deux filles? Non, les nuages avaient deux orifices. Donc, Marion regardait et Isabelle regardait en bas. Puis là, elle se tournait toujours vers les spectacles rock'n'roll. Elles étaient audiorama. Oh! Donc, tout ce qui était musical les attirait, mais beaucoup plus les guitares électriques. La Jimi Hendrix, mais comme c'était pas l'époque de Jimi Hendrix, c'était 80-quelques. Donc, elle se laissait aller, non pas par le vent, mais par les ondes guitaristiques pour en arriver, à un moment donné, à Paris. Pas à Paris, à Paris. Et là, il complotait comme deux diablotines. Oh, deux diablotines sur un nuage pour arriver sur Terre et comme ça, hanter le milieu du rock and roll, entre autres dans rock and folk. Et puis... Un jour, un errant rénaldien les a repérés. Oh, il voit tous les anges. Ah oui, moi, tout ce qui est angélique, là, c'est moi, c'est vrai. Mais moi qui est diabolique, là, ça va bien, ange et diable. C'est comme le rouge et le noir, le feu et l'eau. Ça s'arrête là. Non, on peut rajouter, mais on va arrêter ici. OK. Et puis donc, c'est comme ça que journaliste et spécialiste de la musique rock, Isabelle Shelley est l'auteur du dictionnaire des chansons de Nirvana. Quoi, les chansons qui gravitent autour de... Le guide de survie des filles rock, le guide du Paris rock. Elle collabore de même souffle au magazine Rock and Folk et welovemusic.fr. Allez voir ça. Oui, comme nous, love comme aimer, musique et en anglais là, c'est aimer. Elle est très, moi, je suis très aimer mu, ezizik. .fr. Oh, voyons donc, je tapote sur internet puis je le trouve pas. Mais tapote pas sur internet, tapote sur ton clavier. Oh, je tapote pas sur internet. Mais le clavier va t'amener à internet. Mais Internet n'est pas un clavier. Oh! C'est tes doigts qui t'amènent. Oh! C'est ta tête qui dirige ta pensée et qui donne la chance à tes doigts de se poser sur les touches. Oh là là là là là. Alors donc, elle écrivit, on est rendu là, elle écrivit, alors donc, We Love, arrête de dire, ok, We Love, W-E-L-O-V-E-M-U-S-I-C.fr. Elle écrivit également à Voici et au journal 20 minutes. Selon son entourage, elle fait les meilleurs muffins de tout Paris. Mais comme je ne les ai pas testés, je garde une bémol, mais pas si molle que ça! Elle est marrante, là, la blague. Pourquoi ne ressemblerais-tu pas à notre Donald? Ben, parce que... Lui, c'était un exemple à suivre. Ben oui. Mais tu en parles au passé aussi. Alors, à suivre et à ne pas retrouver sur les mêmes chemins que moi. Bon. En juillet... Je suis très fâché. Et en juillet dernier, Errance Rinaldienne se trouvait là, dans le 11e arrondissement à Paris, pour discuter avec cette demoiselle charmante et stylisée. Elle va se demander, c'est beau, hein, stylisé, ben oui. Un voyage chargé pour cette nuit estivale. Non, c'est automnal. Faut-il s'arrêter ici et laisser le générique nous envoûter? Non, c'est pas la musique, mais c'est la... Oui. Alors, place au mot. Pourquoi ça a coupé comme ça? Ben, mon cerveau s'est dit que le générique est passé depuis déjà quelques minutes. Là, c'est la musicalité qui va prendre le dessus et les gens le savent très bien. Pourquoi redire ce qu'ils savent? Hey, t'as raison, toi, là. T'es un voyant. Oui. Non, mais t'es un clairvoyant. Non. OK. Alors, place à la musique. Pour ne pas dire place à la zizik. Ever go down Trinidad, they make you feel so very glad. Calypso sing and make up rhyme, guarantee you one real good fine time. Drinking rum and Coca-Cola, go down Point Cumana, both mother and daughter, working for the Yankee dollar. Oh, beat it, man, beat it. Since the Yankee come to Trinidad, they got the young girls all going mad. Young girls say they treat them nice, make Trinidad like paradise. Drinking rum and Coca-Cola, go down Point Cumana, both mother and daughter, working for the Yankee dollar. Oh, you vex me, you vex me. From Chickachickery to Mona's Isle, native girls all dance and smile. Help soldier celebrate his leave, make every day like New Year's Eve. Drinking rum and Coca-Cola, go down Point Cumana, both mother and daughter, working for the Yankee dollar. It's a fact, man. In old Trinidad, I also fear the situation is mighty queer. Like the Yankee girl, the native swoon, when she hear der bingle croon. Drinking rum and Coca-Cola, go down Point Cumana, both mother and daughter, working for the Yankee dollar. Out on Manzanella Beach, G.I. romance with native peach. All night long make tropic love, next day sit in hot sun and cool off. Drinking rum and Coca-Cola, go down Point Cumana, both mother and daughter, working for the Yankee dollar. It's a fact, man, it's a fact. Rum and Coca-Cola. Rum and Coca-Cola. Working for the Yankee dollar. Et t'as écrit un livre.

dum di dum da di da dum da da dum dum di da di da di da di da di da di dum da di da di dum di dum da di da dum da da dum. Tout le monde ensemble. Da di pas si tout le monde va suivre. Oui. Da di da di dum di dum di da di dum di dum. Je suis un enfant dans l'âme. Da di da di dum di dum. Dessine-moi un mouton. Da di da dum da da dum. Pourquoi tu tiens un da? Ben c'est parce que l'enfant c'est le mouton. Oh, c'est Saint-Exupéry. Oh, ok. Qui télécharge mes émissions? La Gestapo, c'est-à-dire la police secrète dans tous ses états. C'est un questionnement que l'on se fait depuis des années, ici à Errance Rénaldienne. La nuit, avec ou sans la fuite, la logique qui ne tient plus. C'est qui? J'ai dit Germaine, oui. Germaine. Hey, l'as-tu celle-là, Germaine? Peut-être, on va... Non. Si je dois me pencher, je peux pas... Comment ça? Je peux pas me pencher. Ben voyons donc, t'es faite en... Oh, je l'ai peut-être ici. Germaine. Germaine. Ah oui, je l'ai ici. Oh, c'est merveilleux! Tu vas nous la faire. Ben, pourquoi pas? Jouissons ensemble. Ah, oh, brillons pour lui, pauvre petit. Ah, c'est merveilleux! Allez-vous, l'entendez-vous? Pas encore, vous êtes dans l'exclamation. Oui, monsieur, on est dans l'exclamation la plus totale. Germaine. On y va. Tout le monde ensemble, s'il vous plaît. Ah, elle habitait Germaine, oui. Une chambre de bonne, c'est vrai. Quelque part en cinquième, à côté de la Sorbonne. Oh, la Sorbonne, c'est beau. Les WC sur le palier, une fenêtre sur la cour, en haut d'un escalier qui avait jamais vu le jour. Oh. Et sur les murs sans joie de ce pauvre boui-boui, il y avait Che Guevara, les Pink Floyd et Johnny. Sur le vieil électrophone, trop souvent détraqué, elle écoutait les Stones et Maxime le Forestier. Germaine, une java ou un tango, c'était pareil au même. Pour te dire que je t'aime, qu'importe le tempo. Oh oh! Germaine, un rock'n'roll ou un slow, c'est dû à pareil au même, pour te dire que je t'aime et que je t'ai dans la peau. Oh, oh, oh! Pourquoi ne ressemblerais-tu pas à notre Donald? Parce que... Lui, c'était un exemple à suivre. Pas du tout. Je tiens à vous dévoiler son étrange secret à ton... Pourquoi ne ressemblerais-tu pas à notre Donald? On va te... Lui, c'était un exemple à suivre. Pas du tout. C'était un exemple sur lequel on devait pas poursuivre un trajet aussi laid, aussi étrange, aussi irrévérencieux que le sien, madame. Je sais pas pourquoi vous nous dites ça ici ce soir à Errance Rénaldienne. Parce que sans doute, d'après vous, la nuit, avec ou sans la fuite, la logique qui ne tient plus, et des surplus de sentiments expulsés ici et là sur la noirceur insaisissable d'une révélation déjà oubliée. Hey, c'est du... Non, c'est pas. Oh! Là, ici, maintenant... Mon dieu, il va accoucher. Non, elle va. Elle va. Elle va. C'est drôle d'état qui rend ce cerveau-là en décomposition avancée. Avancez-vous, messieurs, dames. Allez voir notre drame. Ça se passe à Errance Rénaldienne. Pas de guitare, jamais de chemin, nous passons à travers les frontières, hein? Eh oui, on y va, fâchez-vous pas, madame, voyons donc, ben oui, mais c'est le temps de faire l'improvisation. On n'en parle pas, ça fait combien de temps que ça existe? L'émission? Non, ben oui, le début de l'émission, ben ça existe, non, mais la... La seconde près, là, ça fait au moins 40 quelques minutes. 40 minutes, oui. On n'a pas encore improvisé. Ah, c'est pour ça que vous vous fâchez. Je me fâche pas. Je vous fais des grands signes, puis vous comprenez pas, donc j'ose parler. Ben, osez, madame. On a encore le droit de parole au Québec. Ça ne durera pas longtemps. Bon, et ça, il y a toujours des gens dramatiquement atteints là, qui s'imaginent qu'on va être dans un pays totalitaire ici à Québec. Pourquoi on accueille autant de personnes qu'on adore, là, venues de pays francophones, même d'autres pays, puis on leur dit « au moins, là, au moins, au moins, parlez français. Amenez-nous votre culture, votre vision du monde. On en veut de la vision. On en veut de ça va bien? Le cerveau, ça commence à décompresser. Oh, c'est pas le moment, là. C'est comme dans Jerry Lewis, oui. Mr. Love, oui, la potion essaye. Ouais, la potion, ça ne fonctionne plus. Oh. Alors, prends un peu de potion. La mule de potion. Oh. La dépotion se dépotionne. Oh, elle se dépotionne. Alors, qu'est-ce que tu voulais dire? Oui, amenez-nous votre musique. On en veut de la musique à travers le monde. On en veut des recettes culinaires à travers le monde. On en veut des cultures, des façons de voir la vie. C'est merveilleux. Mais parlez français. Parlez français. Parle plus bas, car on pourrait bien nous entendre. La vie, c'est ça, mais en général, ça parle français, c'est vrai. À Québec, là, c'est, quand ça parle pas français, je parle pas. Je suis uni par la linguistique francophone. Oh mon Dieu, t'es unilingue. Uni par mon ignorance, ok. Uni par ce que je ne sais pas. Ben, c'est l'ignorance, oui. Unis par un langage qui ne veut pas entrer autre que la langue française, puis encore là, je ne suis qu'au balbutiement, qu'une vie qui me rend compte, je suis qu'à des balbutiements, près de cet enfant dormant, non, c'est la bois dormant, enfant, non, c'est quoi le bois dormant, le bois dort pas, là. Non, mais la fable, là, c'est le prince, puis la... Je m'en rappelle plus, moi, là. Mais mon enfant se passarde sur des déserts de sable. Mon enfant se passarde sur des feux bien brûlés. Un petit peu... le prince charmant, puis l'autre, c'est quoi? Moi, je m'en rappelle plus. Alors là, ici, maintenant, envoyez-moi des courriels. Injurez-moi. Glorifiez-moi. Mais dites-moi, on l'a fait. Là, ici, maintenant, attribuons la place à Montissier. Hein? Oui, ça monte. À mon ami Charles Bukowski. Ouvrons-lui un petit coin de bar. Puis là, j'ai des gens. Je les remercie infiniment de m'avoir envoyé des courriels. Et ils ont une écriture bukowskienne. Bravo. Mais moi, je peux pas lire. Pourquoi tu sais pas lire? Je sais lire, mais je suis bègue. Oh! Alors là, ce qu'on me demande... de prendre un texte d'une autre personne et de la divulguer au peuple, ça fonctionne pas. Comment ça? Ben, comment ça? Je suis bègue. Oh, ben, ça s'entend pas. Arrête, donc, vous êtes bien gentil. Non, mais c'est vrai. OK, la preuve. La preuve, j'ai ici le livre, puis là, je me suis tiré le bras, c'est ma bibliothèque, j'ai une vidéothèque, j'ai une idiothèque, j'ai tout en tech. Avec ma gueule de métèque. Même ma gueule de métèque est dans la tech. Alors, c'est « Lettre à un jeune poète », c'est de Rainer Maria Rilke, que j'ai piqué à mon ancienne copine. Elle va me le réclamer. Mais comme elle m'écoute pas, elle réclamera pas. Ah, je vais prendre la page, ils sont pas numérotés, mais oui, la page 126, ça c'est le folio, là, NRF. C'est Poésie Gallimard. Le numéro, je sais pas, il n'y a pas de numéro, mais en tout cas, suivez avec moi si vous êtes capable. C'est même pas en français! Comment ça, c'est pas en français? Qu'est-ce que c'est que ce livre-là? We has been, in has been, has been. Non, c'est la page 149. Mais comment une créature neuve qui connaît encore à peine le pouvoir de ses propres mains, inexpérimentée quant à sa nature, novice face aux tournures les plus communes de son esprit. Pourquoi tu bégayes pas? Ben, j'essaie de bégayer, là. Peut-elle, je force, là. Peut-elle s'accommoder, puis je peux pas, en plus, j'ai un problème intestinal. Ben, allez, vas-y. Peut-elle, ben, on y va, là, calme-toi, mon esprit. Peut-elle s'accommoder d'une présence si insolite? Oh, non, c'est si insolite, pas si insolite, excusez-moi. Parce qu'ils sont trois. Ils sont pas six. Oh. Alors, comment expliquera-t-elle sa formation? Elle qui manifestait destinée à être plus tard de plus en plus précise de complexion. Oh, ça n'existe pas, ce mot. Mais si je ne bégayais pas, je peux vous dire pourquoi. Dis-le. Parce que c'est pas moi. C'est qui? Parce que je souffre d'un handicap mental. On le sait, bravo, tu le dis. Non, non, non. C'est une confusion multiple de mon genre personnel. Oh! Et là, c'est pas moi qui lis. Oh, c'est qui? Ben, je sais pas, c'est Ticu Boudreau. Oh, Ticu Boudreau peut-il lire autre chose? Ben là, on va endormir le peuple, là. On va prendre un autre livre. Eh, monsieur, ça va couper notre... Oh, tiens. Histoire hétéroclite d'un lit brodé. Et ça, c'est de Lu Tinchangan Gin Gun Ding. Il y a des belles photos perverses. Près de l'oreiller, Dali découvrit une boîte ronde d'époque Song, ornée de deux pivoines gravées dans l'épaisseur du vernis, dorées à l'intérieur et qui réclamait une authenticité clochette de Birmanie. Mais ça fonctionne pas, mon affaire. Eh, monsieur, de nouveau Dali. Oh, bon, OK. Je suis guéri. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Alléluia, en pyjama. On passe à la musique. Oh, oui. Après ça, on va faire l'introduction de d'Oncle Buck parce que... Envoie-moi ton texte, je vais le lire, là. Je suis confuse. Ah, mon dos est confus, et confuse, et confuse, et confuse, et confuse, et confuse. Dis un peu aux gens ce que t'es devenu. Ah oui, hey, attends, oui. Que sommes-nous devenus après tant d'années? Vous et moi. Lorsque j'étais petit... Est-ce qu'on passe à la musique avant? On va passer à la musique, puis on va en parler après. Pour remporter le travail.

notre histoire. We're fucking with la grosse misère. Je tiens le palais de la robe et... Attends, monsieur, attends. Là, on t'a laissé une place, on voulait que tu t'introduises, mais ça a été très mal vu par ton réanimateur. Non, l'animateur précaire, oui, qui nous consomme. Dis un peu aux gens ce que t'es devenu. Ah, ça c'est bien. Alors, on va te dire ce que nous sommes devenus, un peu comme la chanson de Jean-Pierre Ferland. Oh non, il va chanter comme... Oh non, on chante pas. Non, on n'a pas... Qu'êtes-vous devenus mes femmes, vous qui m'avez tant aimé? C'est comme un peu le principe. Mais, lorsqu'on était petit, on avait des visions de ce que nous attendait le monde des adultes. On était tellement dans notre cocon. Oui, on était cocombe. Non, là, j'ai dit cocon, pas cocon. Bon, ben, tranché très mince. Je sais pas si un jour un enfant me dit, là, je veux être astronaute, je vais lui dire, ben, écoute, bravo, hein, tu m'enverras, je sais pas, une carte d'errance rénaldienne, tu lanceras dans la stratosphère où tu trouveras la carte de l'errance rénaldienne. Puis en la tirant, perds-la pas. Si je la tire, ben non. Oui, la carte, tu la tires, là, mais toi, tu la perds pas. Oh! Sens figuré, sens propre. Et voilà, sens figuré, sens propre. Tire la carte, mais perds pas la carte. Oh! Toi, t'es évolué. Très évolué. Trop évolué. On peut pas te reconnaître. On peut pas nous reconnaître. On n'est pas là. On est trop là. Dans l'absolu relatif. Oui, monsieur. Dis un peu aux gens ce que t'es devenu. Eh bien, moi... Rénal Grégaire, mieux connu sur le pseudo des rangs banaldiens. Banaldiens? Oui, ben la baladise, tu sais, la danse. La baladise qui nous séduise tous les soirées, toutes les matinées, toutes les soirées. La baladise, mais c'est pas ça du tout, ouais, mais qui étiez-vous? Ben, je tiens le palais de la robe et du dessous féminin. Oh! Déjà là, dans sa jeunesse, il y avait une petite perversion. Le jeune homme, hein, les dessous féminins, c'est ça. Les dessous chics, C'est des dentelles et des rubans d'amertume sur un paravent désolant. Les dessous chics, c'est... Comment c'est qui claque? C'est une jartelle qui claque dans la tête comme une paire de claques. Chic! Ça finit pas comme ça, voyons donc, allez-y, vous. Dis un peu aux oui. gens ce que t'es devenu. OK. Bah, je tiens le palais de la robe et du dessous féminin. Ah, mais ça s'arrête là. Mon cher jeune homme, bravo, nous irons t'acheter quelques dessous féminins. Même si nous sommes masculins, les soirs précaires de notre dévolution, j'en connais, Ticu Baudouin. Ah ben oui, il faut pas que tu... Oui, la double vie de Ticu Baudouin. Avant les rangs, pendant les rangs, puis après les rangs. Oh, dis pas ça devant le public. Ben non, jamais j'oserais dire que tu es une belle blonde plantureuse et que tu te promènes sur la rue Saint-Jean à Québec. Oh! Et que tu quêtes quelques dollars pour montrer ta cuisse légère et sans poils. Ah, oh, comme le chat noir. Le chat noir de ta copine. De ma copine. De notre copine. Non, ma copine. Ta copine. Oui, la mienne. OK. Je suis le président de la plomberie Pincus et compagnie. OK. Pincus. Pincus, oh, Pincus. Là, ici, maintenant, encore Bukowski, on va choisir la phrase parce qu'on l'a introduit tout à l'heure, puis on a passé une pause musicale, vous vous souvenez? Je me souviens pas de ça, moi. Qu'est-ce qui se passe? On était où? C'était à quelle soirée? Ben, c'était là, là. Ah, c'était maintenant? Ben, il y a quelques minutes. Ah, le temps passe, puis... Ah, oh, celui-là, on va prendre une... Si tu veux bien, écrit en crayon de l'aplomb. Oui, avec un aplomb incroyable, hein? Monsieur Gagné, ce soir-là, était extrêmement lumineux et illuminé, comme d'habitude. Alors, la phrase, c'est « On envoyait toujours nettoyer la merde des pigeons. » Je répète. « On envoyait toujours nettoyer la merde des pigeons. » Ben oui. Parce qu'on sait que ça colle et quand on l'oublie, ça veut plus s'en aller. C'est comme des invités après minuit et demi quand tu arrives avec ton cadran et que tu crains que le mécanisme pour presque dire « Ben là, on s'en va se coucher puis personne veut le faire. Personne veut partir. Ils sont là. Ben, » c'était une belle soirée, hein. On s'est amusé, on se l'a pété. Ben oui, mais pète pas trop, toi, va-t'en. Oh, on peut pas péter. Non, pété dehors. On va aller péter dehors. Mais merci. OK, bye, à la prochaine. Les gens, quand ça colle, c'est comme de la crotte de pigeon. Ça veut plus partir, puis ça s'incruste. Ça brise des sofas. Ça brise de la peinture sur des voitures. Ben, ça, c'est la merde de pigeon. Mais le public, non. Pas le public, mais les invités. Les invités, là. Ça sent presque comme les pigeons. Oh! T'as envie d'arracher les plumes de Madame Boisclair qui est venue faire un petit spectacle à la... Comment tu l'appelles? À la Zizi-Jeanne-Mère. Oh, mon, c'est pas vrai avec... Mon truc en plumes. Puis là, c'est tout le temps, il bourrifie les plumes. Puis là, c'est moi, demain matin, qui va être obligé de ramasser ça, ces plumes-là. Elle était dans une... Elle se prenait pour Art the Kid, la Zaza John Mayer. Quand je vois Art the Kid chanter quelque chose, je sais pas. C'est bon de sentir l'émotion avec les tirs à long. C'est bon, le vin, c'est mot doux. Bras dessous, aiguillant les oignons. Arrête de frapper. Allô? Allô, ça va? Pique-nique, pique-nique. C'est bon, c'est... comment tu l'appelles, non? Pique-nique, pique-nique. Là, on a l'oiseau qui pique, là. Ben, moi, c'est pique-nique. Non, c'est nique-pique. C'est bon, des étranges sensations qui nous donnent l'attention. Puis en bout de route, qui nous fait dire non. Non, non, non, non, non. On va dire le titre maintenant, c'est « Comme au bon vieux temps ». C'est au temps de la délivrance et que l'hiver fut loin de nous. J'aime à retrouver ma Normandie. C'est le pays qui m'a donné le jour. Quand tout renaît à l'espérance et que l'hiver fuit loin de nous, j'aime à revoir ma Normandie. C'est le pays qui m'a donné le choix.